6-9 du week-end sur France Inter. Le rendez-vous des sciences, les saventuriers. Bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Eric. Et le saventurier de la semaine s'appelle Michel André. Il est bioacousticien. Le travail que mène Michel André est passionnant. Il s'intéresse aux sons sous-marins. Michel André est directeur du laboratoire d'application bioacoustique de l'Université Polytechnique de Catalogne. On doit être conscient que le son dans l'océan est la vie. Si on pollue un canal de communication, on condamne la mer à une mort irréversible. La mer souffre et il est temps d'en prendre soin. Michel André est soutenu depuis 16 ans par le programme de mécénat de Rolex qui aide des chercheurs visionnaires qui lancent des projets inédits. Et en quoi les recherches de Michel André sont-elles originales ? Michel André considère qu'il y a trop de bruit dans les océans. Il voudrait que les poissons et les mammifères marins puissent vivre en paix, qu'ils ne soient plus pollués par le bruit occasionné par les activités humaines. Le monde de la mer n'est pas le monde du silence. Non, ça ne l'a jamais été, ça l'est pour l'homme parce que nous ne sommes pas capables d'entendre correctement sous l'eau. Par contre, dès qu'on met un microphone qui est adapté pour écouter ces sons-là, on se rend compte que c'est une cacophonie incroyable. Qui existe depuis toujours, une cacophonie biologique. Voilà, c'est ça, c'est un mélange de sons que les animaux produisent, mais aussi des sons physiques, le tremblement de terre, les vagues, la pluie, qui ont été en harmonie pendant des millions d'années et qui, depuis une centaine d'années maintenant, nous avons perturbé avec ces sources sonores artificielles que nous introduisons chaque jour dans l'eau. Alors c'est une vibration qui se propage très loin puisque l'eau a la capacité de conduire ces sons jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de cette source et à une vitesse beaucoup plus grande que dans l'air, 5 fois plus vite. Ça fait une tache de son en fait qui se propage autour de ce bateau quand il avance. 50 000 bateaux en mer qui naviguent tous les jours sur notre planète produisent des sons qui s'accumulent et qui s'ajoutent et qui ont un impact considérable sur toute la faune marine. Au début, on pensait que les animaux qui étaient affectés par cette pollution sonore étaient les cétacés. On sait qu'ils utilisent le son dans leur vie quotidienne. Mais depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'en fait, toutes les espèces, même celles qui n'entendent pas, mais qui ont des organes qui leur permettent de rester en équilibre dans la colonne d'eau, sont affectées par cette pollution sonore. Donc on parle de milliers d'espèces et bien de tous les écosystèmes marins qui sont affectés. Ça provoque des pathologies qui sont mortelles pour les animaux qui reçoivent ces sources sonores s'ils sont trop près de la source qui les émet. Il y a des pathologies qui les rendent sourds pour ceux qui entendent et qui sont incompatibles avec la vie pour celles qui ne peuvent pas entendre. Donc c'est vraiment plus que de la gêne, c'est une conséquence négative sur leur propre système physiologique. C'est terrible, Eric. Hein. Je trouve que c'est vraiment effrayant. Alors, vous l'avez compris, les 50 000 bateaux qui naviguent tous les jours sur les mers du globe sont la source d'une grave pollution sonore, mais on peut agir. Si on coupe le son, la pollution s'arrête tout de suite. Alors oui, c'est la différence avec les autres sources de pollution. Celle-ci, nous savons qu'elle est invisible et qu'elle est inaudible pour l'homme. Mais par contre, on sait que quand on éteint la source, les effets s'arrêtent immédiatement. On peut donc limiter le son émis par les bateaux. De quelle façon ? Un bateau ne va pas plus vite parce qu'il est bruyant. Donc on sait comment isoler les salles de machines. On a très bien su le faire pour les passagers. Donc il suffit de le faire pour que ce son ne traverse pas la coque et pénètre dans l'eau. Et pour les autres activités qui introduisent des sources sonores volontairement... La recherche de pétrole émet des sources qui vont pénétrer jusqu'à 40 km sous les côtes terrestres pour chercher un écho qui va informer de la nature du sol, de la présence de nappes. Eh bien, il faudra attendre à trouver des alternatives technologiques qui permettront de limiter cet effet de la pollution sonore. Vous poursuivez vos recherches dans quel domaine ? Alors, nos recherches ont commencé sur ces effets sur les mammifères marins. Maintenant, nous avons découvert que d'autres espèces qui n'ont pas la capacité d'entendre des sons sont affectées, les invertébrés marins. Nous sommes en train d'essayer de comprendre la sensibilité de ces espèces face à ces sources sonores qui dépassent celles que nous trouvions chez les mammifères marins. Nous avons l'impression qu'ils sont plus sensibles encore que ces mammifères marins dont l'impact est bien plus important. Voilà donc pour cette pollution sonore sous-marine qui perturbe les animaux. Et sur franceinter.fr d'ailleurs, vous pourrez trouver un lien qui présente cette antenne acoustique sous-marine capable de prévenir les collisions entre les cétacés et les bateaux. Vous verrez ça sur franceinter.fr. Merci Fabienne Chauvière.